Magazine Château Gontier-Bazouges, numéro 7, printemps 2017. Dossier, carte nationale d'identité, redécoupage électoral. Ce qui change en 2017. Illustration, un citoyen glisse son vote dans l'urne après avoir présenté sa carte électorale à l'assesseur.